Chapitre 9e, la main mystérieuse. Une heure plus tard, lorsqu'Irène revint du tennis, elle trouva le grand-duc visiblement excédé, mais faisant un effort héroïque pour paraître comprendre l'enthousiaste dissertation de Malcolm sur l'avenir de l'industrie pétrolifère. En voyant arriver sa fille, Yaroslav se leva avec empressement et vint à elle. « J'ai persuadé Mr. Hay de dîner avec nous ce soir, et j'ai fait chercher sa valise à l'hôtel. » C'est un causeur bien intéressant, ma chérie. » Et d'un pas précipité, il s'en alla. La jeune fille s'assit sur le siège resté vide. « Master Hay, » dit-elle, souriante, « vous êtes un homme extraordinaire. »« Mon Dieu, je l'ai entendu dire. » Malcolm remplit son verre au samovar. « Vous avez aussi une bonne opinion de vous-même, » semble-t-il, continua Irène, très calme. « Il faudrait savoir d'abord pourquoi je vous parais extraordinaire. » répliqua-t-il sur le ton de badinage qu'il avait adopté au déjeuner. « Parce que vous avez charmé mon père. Peut-on savoir quel sortilège vous avez employé ?»« C'est peut-être tout simplement à cause du livre, » dit-il avec malice. Elle sauta sur ses pieds comme frappée d'une idée subite. « Vous avez le livre d'Israël Kensky ?» murmura-t-elle horrifiée. Il fit signe que oui. « Ici avec vous ?»« Ici même. » Et Mr. Hay frappa sur sa poche. La jeune fille se rassit lentement et Malcolm crut l'avoir tremblé. Je me demande lequel de vous deux a été le plus fou, lui de vous donner le livre ou vous de le prendre. La maison de mon père est la seule de Kiev où vous soyez en sûreté, et encore. Elle s'arrêta et secoua la tête. Sans doute votre vie ne court aucun danger, mais je préfère que le livre fût ailleurs. À partir de ce moment, elle ne fit aucune allusion ni à son père ni au livre, et lorsqu'un peu plus tard, Mr. Hay descendit pour dîner, il avait chassé de son esprit toute préoccupation désagréable. Les invités réunis étaient nombreux. Il y avait deux évêques, une grande quantité de popes, plusieurs dames couvertes de bijoux, un ou deux officiers et l'inévitable duègne. Malcolm fut présenté à tous, mais un seul le frappa, le colonel Malenkov, qu'il devait retrouver plus tard. À sa grande surprise, on avait donné au jeune homme la place d'honneur à la droite du grand-duc, mais cette distinction ne le réjouit guère, car Irène était à l'autre bout de la table. Elle paraissait soucieuse et répondait par monosyllabes à ses voisins. Par contre, le grand-duc était loquace, et bientôt la conversation roula sur les événements de la matinée. Après diverses réflexions au sujet de l'émeute, le maître de maison fit cette soudaine remarque. « Le danger, c'est qu'Israël Kensky pourrait très bien user de ses sortilèges contre la Sainte Église. » Il y eut un murmure approbateur parmi les barbes noires, et Malcolm ouvrit de grands yeux. « Votre Altesse ne croit certainement pas que ce juif est doué d'un pouvoir occulte. »« Mais si, » répliqua le grand-duc, « puisqu'il y a des miracles reconnus par l'Église, pourquoi n'y aura-t-il pas d'autres dus à la puissance des ténèbres ?»« Pour moi, » dit un gros évêque, je suis persuadé que ce livre est le pendant de celui qui fut jadis dénoncé et publiquement condamné par saint Basile. Cette œuvre avait été inspirée par Satan et contenait les règles au moyen desquelles le magicien pouvait enchaîner dans une obéissance absolue l'âme qu'il avait choisie. Tous ceux qui l'entendirent se signèrent par trois fois et chacun voulut dire son mot au sujet du livre diabolique. Le volume en question était à 6 pouces du grand-duc, dans les basques de l'habit de Malcolm, et ce détail donnait un certain piquant à la conversation. « Il eût mieux valu que le peuple réussisse ce matin à nous débarrasser de ce pauvre diable, » dit pensivement Yaroslav, et il lança un coup d'œil scrutateur vers le jeune anglais. Celui-ci ne donna aucun signe d'approbation ni de blâme, mais il fut heureux de voir se terminer le repas et de pouvoir enfin échanger quelques paroles avec Irène. Les invités avaient commencé à partir. « Mr. Hay, » dit la grande duchesse à voix basse, « je vais remonter, et nous ne nous reverrons plus. Avant que je m'en aille, faites-moi une promesse. Tout ce que vous me demanderez, Altesse, est promis d'avance. Eh bien, rentrez chez vous le plus tôt possible, et si je vous envoie un mot, quittez la Russie sans délai. Je suis stupéfait de ce que vous me dites. Mr. Hay, » dit-elle, toute vibrante d'émotion, « vous vous êtes engagé dans une aventure dont vous ne pouvez pas sortir sans dommage. Quoi qu'il advienne, vous aurez à souffrir, mais je voudrais que vous vous tiriez d'affaire avec honneur. Je ne vous comprends pas. Dois-je être plus clair? D'ici 1 ou 2 mois, à moins que quelque chose ne survienne pour donner aux esprits une direction différente, vous serez déclaré suspect. Le fait que vous possédez le livre est déjà connu. Je le sais. Par qui ? Demanda-t-elle vivement. Par votre domestique Bulba. Irène porta ses mains à ses lèvres comme pour étouffer un cri. À ce moment, le grand-duc appela son hôte. Les invités étaient réduits à une demi-douzaine. « Mr. Hay, dit-il, vous allez prendre un peu de café et goûter notre merveilleux kummel russe. Vous ne trouverez son pareil dans aucune autre partie du monde. » Malcolm but sa tasse de café, puis la liqueur de feu et reposa le petit verre sur le plateau. La jeune fille avait disparu. Une demi-heure après, il remonta à son tour, ferma la porte à clé, ayant décliné les offres de service du valet de chambre, et lentement se mit à se déshabiller. Ayant mis son pyjama, il s'était assis au pied de son lit et se rendit compte, seulement au bout d'un temps assez long, qu'un délicieux engourdissement l'envahissait. Il essaya de se mettre debout et chancela. « Dopé, dit-il en se rasseyant. Une faible partie de son cerveau restait en activité, mais cette partie-là travaillait ferme. On avait mêlé un narcotique, soit au café, soit au kummel. C'était la seule explication à l'état dans lequel il se trouvait. Malcolm tomba sur sa couche et ramena les couvertures avec la ferme intention de se tenir éveillé. Peu à peu, le soporifique acheva son œuvre et une lourde torpeur envahit le jeune homme. Il avait cependant, par intervalles, des moments de complète lucidité et, sans pouvoir faire un mouvement, se rendait compte de sa déplorable situation. Environ une heure plus tard, il eut l'impression d'être entièrement réveillé. La chambre était baignée d'une douce lumière grise, car c'était une nuit de pleine lune. Il essaya de se lever, peine perdue. Le fait de rouler sa tête de droite et de gauche était pour lui la limite de l'effort. Tandis que son regard errait autour de la chambre, la porte s'ouvrit et se referma sans bruit. Quelqu'un était entré et traversait doucement la pièce. Si Malcolm avait pu, il aurait crié. C'était Irène. Elle avait passé un léger peignoir sur sa robe de nuit et tenait une lampe électrique. Tout droit, elle se dirigea vers la chaise où il avait déposé ses vêtements, en retira quelque chose et reprit le chemin par où elle était venue. Au pied du lit, elle s'arrêta une seconde comme indécise, puis se rapprocha de Malcolm, qui n'aurait pu ouvrir ni fermer ses yeux mi-clos pour tout l'or du monde. Il la voyait, silhouette irréelle, éclairée par la lune. Sa main blanche tenait le livre. Comme dans un souffle, elle murmura « Adieu, pauvre Mr. Hay !» Et se baissant brusquement, elle effleura sa joue d'un baiser et passa. Comme elle entr'ouvrait la porte, un autre jet de lumière électrique la fit soudain reculer. Le nouvel arrivant fit un pas dans la chambre et tourna le commutateur. Ils se virent en pleine lumière, dressés face à face. La grande jeune fille impérieuse, une moue de mépris aux lèvres et le colosse au nez tordu. Bulba portait une vieille robe de chambre retenue par une cordelière multicolore. Il avait les pieds nus et dissimulait dans sa main gauche un long couteau effilé. À la vue de la grande duchesse, il eut un haut-le-corps. L'embarras se peignit sur sa large face. « Vous ? C'est vous, Altesse ? » balbutia-t-il. « Où est le juif ?» Irène ne répondit pas. Mr. Hay voyait sa poitrine se soulever un peu plus vite et sa main serrer le livre contre elle sous la soie transparente du peignoir. Le regard de Bulba alla de la jeune fille à Malcolm et de Malcolm au lourd rideau pendant de chaque côté de la fenêtre. « Où est le juif ? » répéta-t-il avec impatience. « Il a quitté sa maison et on l'a vu traverser les pelouses dans le parc. « Arrière, esclave ! » s'écria Irène. Mais déjà, il l'avait saisi par le bras. Après une courte lutte, le livre fut arraché à la grande duchesse. Malcolm, parfaitement conscient, quoique immobilisé par la drogue, ne perdait rien de cette scène et souffrait une véritable agonie en voyant la jeune fille aux prises avec le monstre. Pourquoi n'avait-elle pas appelé à l'aide? Mais qu'aurait-on dit en la trouvant, elle, petite fille d'empereur, dans la chambre d'un étranger au milieu de la nuit? Bulba caressait le livre de ses gros doigts rugueux, le couvrant des yeux avec passion. Il essaya d'en arracher les fermetures, mais ne pouvant y parvenir, jeta un regard soupçonneux vers la grande duchesse. Sans rien dire, il se rapprocha d'une ampoule lumineuse, appliquée au mur, près de la fenêtre, et après un nouvel examen. « Oh, Altesse » s'écria-t-il. « Est-ce vous qui avez fait dire à Kensky de renforcer les serrures ?» Il ne put continuer. Une main venait d'apparaître derrière le rideau, tenant un mouchoir jaune. Irène étouffa un cri. Le mouchoir fut appliqué sur la figure de Bulba qu'il recouvrit du front au menton. Pendant quelques secondes, l'homme sembla paralysé. Puis il jeta au loin le lambeau d'étoffe et se mit à gratter désespérément la substance argileuse collée à sa face. Damnation ! Hurla-t-il, et laissant tomber le livre, il trébucha en avant, fou de douleur. Irène s'enfuit par la porte entrouverte, car on entendait maintenant des pas précipités à l'extrémité du corridor. Peu de minutes après, un groupe de serviteurs apparut, et parmi eux, le grand-duc, qui seul était entièrement vêtu. « Bulba, qu'y a-t-il ? » ?»« le livre, il est à moi. Regardez par terre. » Mais le livre avait disparu. « Où est-il, Bulba ? Qu'en avez-vous fait, mon brave Bulba ?» répétait son maître, d'une voix tremblante. « Montrez-le-moi. » « Est-ce qu'on vous a fait du mal ? Dieu qu'il a l'air de souffrir. Cherchez avec nous, Bulba. Vous voyez bien que... Comment pourrais-je voir ? » rugit le malheureux en se tordant de souffrance, « puisque je suis aveugle, aveugle, aveugle !»